problème, au fond, est de savoir quelle mission notre gouvernement fixe à nos soldats. L'accord de défense avec la République centrafricaine qui est invoqué n'est pas un accord de police. Et l'armée française n'a pas à être transformée en une force de sécurité intérieure, ni en une garde présidentielle pour Ange-Félix Patassé. Si l'on veut éviter de perpétuer un interventionnisme d'un autre temps et le risque d'un engrenage militaire, une issue politique doit être trouvée. Elle implique un dialogue du pouvoir centrafricain avec son opposition, peut-être passe-t-elle, si les centrafricains en décident, par un nouveau recours au suffrage universel.